Dieu, que prétendez-vous faire? Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va-t'en faire amende honorable au Parnasse d'avoir fait à tes vers estropier Horace. Souviens-toi de ton livre, de son peu de bruit. Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie, en vain tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je te renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'au palais on révère. Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix et dont il voit partout être en but à ses traits. C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Et ses coups contre moi redoublés en tout lieu montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. La mienne saura te faire voir ton maître. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous nous verrons seul à seul, chez Barbin.